Justin Kerner. Deux cercueils. Deux cercueils dressent leur fête sous l'antique beffroi. Dans l'un gît Otmar, le roi, dans l'autre son poète. Le roi jadis avec bruit s'asseyait sur son trône. À son bras le glaive lui, sur son front la couronne. À côté de son seigneur le vieux barde repose. Sa main presse sur son cœur sa lyre au bois de rose. Tombé, château d'alentour, éclaté, cri de guerre, du vieux roi le cimetière à votre alarme est sourd. Que le souffle du zéphyr effleure la vallée, et sur la lyre éveillée flotte un lointain soupir. Cette ballade a une couleur profondément germanique. Le Moyen-Âge pieux, sombre et fidèle revit dans ce chant. N. Martin. Londin. Entonnons, dit le marinier, des lides qui parlent de la nuit, des fleuves et de la mer, de vrais lides à chanter sur un bateau. Et nous commençâmes, ainsi qu'il suit, au battement des rames, au son de la harpe qui nous accompagnait. Ombre de voyage de Justin Kerner. Au mois de mai, quand Fleurette poussait à Tübingen, fillette trémoussait. Elle dansait à la volée, sous un tilleul dans la verte vallée. Un étranger en superbe manteau se rapprocha du minois le plus beau. Il lui présente une main des plus fines et son collier garni d'aigues marines. « Pourquoi, jeune homme, as-tu le bras glacé ? Sous le nez, car la chaleur n'a passé. Pourquoi, jeune homme, as-tu la main si pâle ? Le fond des flots est à couvert du hâle. Loin du tilleul danse son favori. « Oh, laisse-moi, ma mère jette un cri. » Il danse encore tout le long du rivage. « Oh, laisse-moi, j'ai peur de ce voyage. » Par son beau corps, il la saisit soudain, et te voilà la femme de Londin. Toujours dansant, il plonge au sein des ondes. « Mon père et toi, ma mère aux tresses blondes. » Et la conduit au palais de cristal. « Adieu, mes sœurs, dans le vallon natal. » Le prince le plus riche. Un jour à Worms, dans le palais des princes assis à l'ombre, exaltaient, avec de grands mots, de leurs états pris et nombre. « Mon pays est riche et fécond, disait le prince de Saxe, c'est mon couve bien de l'argent sous le milieu de leur axe. Voyez le mien si plantureux, dit l'électeur de Cologne, dans les guérets des gerbes d'or, du vin meilleur qu'en Bourgogne. « Grande cité, riche couvent, disait Louis de Bavière, font qu'au vôtre, mon beau pays, ne cède en rien pour vous plaire. » Alors Eberhard le barbu, le maître aimé de la Souabe, « Mon pays, dit-il, n'est pas grand, n'a pas des trésors d'arabe. Cependant, il cache un bijou, c'est que moi, dans mes montagnes, je puis reposer sur le sein du manant de mes campagnes. » Et le prince de Saxe et ceux de Bavière et de Cologne de s'écrier « Gloire au barbu, le plus riche sans vergogne !» Où le bourgeois souabe se manifeste dans toute sa loyale franchise, dans toute la bohémie d'un patriotisme sans jactance, c'est dans ce petit poème d'une si naturelle inspiration et qui pour le naïf et le gothique égale, s'il ne le dépasse, le roi de Tulé de Goethe, Henri Blaze.